La vie est. C'est un merveilleux jour d'été. Il est midi dans la forêt paisible. Les oiseaux se mettent la tête sous les ailes. Tout est plongé dans le sommeil. Tout à coup, le pinson lève sa petite tête et demande « Qu'est-ce que la vie en somme ?» Tous les animaux ont entendu cette question difficile. La rose ouvre son bouton et lentement, dépliant un pétale après l'autre, dit « La vie est évolution ». Le papillon n'a pas un raisonnement aussi profond. Il vole d'une fleur à l'autre, goûte un peu du nectar de chacune et dit « La vie est pleine de plaisir et de rayons de soleil ». Plus bas, une fourmi qui essaie de traîner un brin de paille 10 fois plus long qu'elle dit « La vie n'a rien d'autre que misère et beaucoup de travail ». Un peu à bout de souffle arrive une abeille. Elle vient juste d'une fleur à miel et pense « La vie est un changement perpétuel entre le travail et le plaisir ». À ce stade de sagesse et de clairvoyance, une taupe surgit du sol et dit « La vie est un combat dans les ténèbres. » En présence de tant d'avis différents, une dispute est sur le point d'éclater. Il commence alors à pleuvoir tout doucement. La pluie dit « La vie n'est rien d'autre que larmes. Quand la pluie arrive à la mer, les vagues font un bruit énorme en se brisant contre les rochers. Elles disent « La vie est une lutte constante, mais vaine, pour la liberté. » Loin, au-dessus des vagues, un aigle trace majestueusement des cercles. Il dit « La vie est une lutte pour parvenir plus haut. » Plus bas, sur la terre, il y a une prairie que la tempête a déjà repoussée. Elle dit « La vie ?» C'est s'incliner devant une force plus grande. Alors, la nuit tombe. Volant tranquillement à travers la forêt, une chouette dit « La vie consiste à profiter de la vie quand les autres dorment. » À la fin, tout devient calme. La forêt est paisible, l'herbe tranquille et la ville dort. Un jeune homme rentre par les rues désertes. Il arrive devant un feu et dit « La vie est la recherche perpétuelle du bonheur et une chaîne de déception. » Soudain, le soleil rougeoyant du matin apparaît dans toute sa splendeur et dit « De la même manière que moi, le soleil du matin, je suis le commencement d'une nouvelle journée. » La vie est le début de l'éternité.